Ma femme, hier, elle voulait faire sa smat. Puis elle dit, fais-moi donc une phrase avec Thérèse, puis elle remangue. J'ai dit, je sais pas. Fait qu'elle dit, mange Thérèse Crispy, puis elle remangue-moi en plus. L'intelligence cosmique. Là, il y a des notes avant qu'on commence qui sont importantes parce que les fêtes s'en viennent. Gisèle a dit que son téléphone arrête entre le 17 et le 15 janvier. Puis il va avoir seulement le répondeur. Faut qu'elle prenne un break. Puis elle dit qu'il n'y aura plus de mailing. La prochaine rencontre va être le 24 janvier. Et après ça va être aux 4 semaines. Alors, entre le 17 et le 15 janvier, elle rentre dans son trou. Oui, c'est drôle, on dirait que je peux rien dire. Puis la prochaine rencontre, c'est le 24 janvier. J'avais parlé il y a quelques mois que ça serait peut-être bon qu'on s'amuse un petit peu, puis j'avais parlé de faire un party, peut-être tout ça. Puis ça a l'air que ça m'est subtilisé complètement de faire le party, fait que je suis pas impliqué là-dedans. Je vais faire comme les autres, je vais y aller, puis je vais payer mon dû. Puis, qui c'est qui fait le party? C'est notre cher ami Daniel Ménard. Il fait un party le 27 décembre. Fait que ceux qui veulent venir sont invités. Puis, je pense qu'il va mettre des cartes sur la table après-midi là, pour ceux qui veulent donner leur nom, y donner un signe de vie. Réaliser qu'il faut qu'il se prépare quelque temps d'avance. Puis, faudrait lui donner une réponse le plus tôt possible. Bon, ça marche. On dirait que plus le temps avance, plus il se crée de la clarté et en même temps plus il se crée de la confusion. Quand je dis que plus il se crée de la clarté, c'est qu'il y a des gens qui saisissent de plus en plus l'essentiel de ce qu'ils sont, autrement dit, qui saisissent de plus en plus leur intelligence, autrement dit, qui deviennent de plus en plus intelligents. Et par contre, il y a des gens qui traînent de toutes sortes de façons dans leur émotivité, dans leur inconscience, dans leur difficulté à percevoir ce qui est difficile à percevoir. Et j'ai fermement l'impression que le rythme de l'évolution, le rythme de la conscientisation de l'homme, le rythme du développement de la centricité dans l'homme est un rythme extrêmement varié, extrêmement différencié. Que l'homme est une culture très vaste, que l'homme est une composition extrêmement gradée et dégradée d'une vibration en lui qui est colorée par son émotivité, par son intellect, par son ego en général. Et le phénomène est un phénomène normal dans la mesure où les hommes, de par leur évolution, n'ont pas la même capacité de vivre l'expérience de l'intelligence pour des raisons d'évolution. Et à cause de ceci, il devient de plus en plus urgent qu'il se forme ou qu'il se précise dans le temps. Des individus qui peuvent ou qui pourront, avec le temps, aider à consolider des aspects de l'instruction qui ne sont pas aujourd'hui compréhensibles à une majorité de personnes. Le phénomène de l'ego, le phénomène de la personnalité chez l'homme, c'est un phénomène époustouflant. Il est époustouflant de différentes façons. Il peut être époustouflant du point de vue d'un homme qui comprend l'homme, et il peut être époustouflant aussi du point de vue de l'homme qui est obligé de le vivre, le sien, son ego ou sa personnalité, en relation avec d'autres. Mais ce qui se dégage le plus de la condition humaine, c'est la perméabilité de la vanité de l'esprit de l'homme, la perméabilité de l'orgueil, la perméabilité d'un sens profond que l'on a d'avoir raison. Et c'est tellement profond ce sens-là que de la perception ou de ma perception de l'activité de ce sens-là chez l'homme, je peux facilement voir les lignes de délinéation, les lignes de sélection vibratoire qui vont se faire au cours des 20 prochaines années. Je voudrais parler aujourd'hui du phénomène de sélection de l'énergie. Parce que le phénomène de sélection de l'énergie, c'est un phénomène réel. C'est un phénomène qui est imposé à l'homme et qui ne peut pas être contrôlé par l'humanité. C'est un fait absolu, irrévocable. Qui va permettre au cours des années et même des siècles qu'un certain nombre d'hommes dans différentes nations puissent finalement se réaliser dans un même esprit. Vous savez, quand on parle de conscience, quand on parle de l'intelligence, il faut toujours parler des desseins de l'intelligence qui sont totalement au-delà de ce que l'homme peut s'imaginer. On est tellement pris avec nous-mêmes, on est tellement pris avec soi-même qu'il nous est très, très difficile de même s'imaginer ce que veut dire la canalisation de l'énergie, même si on peut l'accepter, même si on peut la considérer, cette canalisation, comme un phénomène intelligent, un phénomène d'intelligence, une des grandes mécaniques de l'esprit dans sa descente vers la matière. Il nous est extrêmement difficile de réellement comprendre ce que veut dire canaliser l'énergie. Et il est inutile, même à l'homme qui fait l'instruction, d'expliquer au-delà de ce qui a été expliqué le phénomène de canalisation, parce qu'il est clair mentalement à l'homme dans son explication, mais il ne peut pas être réalisé par l'homme tant que lui-même n'est pas un élément canalisateur des forces de l'intelligence sur le plan matériel. Quand je dis que les desseins de l'intelligence sont voilés à l'ego, je dis tout de la façon dont opère l'intelligence ou opérera l'intelligence sur le plan matériel. Et lorsque je dis que la façon dont opérera l'intelligence cosmique sur le plan matériel, est totalement voilé à l'ego. Je le dis d'une façon absolue, dans ce sens que je le réalise de par mon expérience d'une façon absolue et dans ce sens que j'en connais les conditions et le pourquoi d'une façon absolue. Il n'y a pas d'autre moyen sur la Terre ou dans d'autres parties de l'univers à l'intelligence universelle, à l'énergie, de se canaliser chez les races en évolution que lorsque ou que dans les conditions où l'ego est totalement désengagé de lui-même. L'expérience de l'homme vis-à-vis l'énergisation de son intelligence est tellement vaste que les hommes sont à un point aujourd'hui et avec les années qui viennent, ce point sera encore plus précisément présent dans leur esprit. Les hommes sont à un point aujourd'hui où ils sont de plus en plus bombardés par une forme quelconque de l'énergie. Et quand je dis une forme quelconque de l'énergie, je dis une façon quelconque à l'énergie de se manifester. De sorte que dans les années qui viennent, il y aura dans le monde de plus en plus d'agents, d'hommes, d'êtres qui canaliseront l'énergie. Et l'énergie qui sera canalisée par ces hommes ou ces femmes sera canalisée selon la portée vibratoire des principes qui sous-tendent leur réalité humaine, c'est-à-dire leur état mental et leur état émotionnel. Et pour l'humanité, c'est une condition extrêmement grave. La condition, elle est grave non pas parce que il se produit dans le monde une phénoménalisation subliminale de l'intelligence à travers la conscience de ces agents, de ces hommes, de ces personnes réceptrices à l'énergie. Mais parce que ceux qui reçoivent l'énergie et qui la transposent par le biais de leur cerveau sous l'activité mentale et en relation avec la condition émotive de leur être ne sont pas dans la conscience et l'intelligence parfaite de la réception, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas distinguer à la fois le phénomène de réceptivité qui se produit en eux et l'intelligence de cette réceptivité-là. Ce que je veux dire, c'est ceci. Quand on va à l'école et qu'on est suffisamment avancé, disons par exemple au stage universitaire, et qu'on a un professeur qui nous dit quelque chose. Si on est suffisamment intelligent, on peut voir que dans le dialogue entre le professeur et l'élève, il peut y avoir des lacunes. Souvent, on va avoir un bon professeur. Souvent, on va avoir un professeur qu'on peut dire, wow, il chaurie un petit peu. Souvent, on peut même dire, bon, mais je suis pas d'accord avec ça. Autrement dit, on a des opinions quand on est universitaire. Et ceux qui ont des opinions un petit peu plus puissantes quand ils sont universitaires, souvent, ce sont des gens qui peuvent aller au niveau de la maîtrise, puis éventuellement au niveau du doctorat. Parce qu'ils ont suffisamment de colonne vertébrale pour ne pas tout emmagasiner le matériel, mais réaliser que le matériel est nécessaire à l'éducation, mais qu'il y a quand même dans eux-mêmes, dans ces individus-là, une réserve d'intelligence qui leur permet de mettre en doute ou de qualifier ou de disqualifier des propos qui sont amenés vers eux de la chaire universitaire. Ça, c'est sur le plan humain, puis c'est normal, puis c'est bon que ce soit ainsi. Mais malheureusement, sur le plan universel, sur le plan le plus dangereux de l'intervention de l'intelligence dans la vie de l'homme, sur le plan de l'évolution de la planète, surtout dans les conditions d'aujourd'hui, les hommes sont récepteurs encore de l'intelligence, mais au lieu d'être ou d'agir comme les universitaires, de se servir de leur intuition et de leur intelligence pour voir si ce que le prof propose a du bon sens ou si c'est un petit peu trop charrié, les hommes gobent ça complètement. Et il se produira de cette façon de recevoir l'information d'autres niveaux d'intelligence. Il se produira sur la Terre dans les années qui viennent, des conditions de confusion tellement grandes que les gens qui seront récepteurs de l'information, ils n'auront pas l'intelligence de leur intelligence, seront amenés à être totalement contrôlés par l'intelligence en eux. C'est probablement l'aspect le plus important et le plus fondamental de mon exposé que j'ai fait depuis le moment où on s'est rencontrés. Et je juge que cet aspect-là, aujourd'hui, arrive dans un très bon moment parce que, d'abord, il se produit dans notre région, dans le Québec, une effervescence. Il se produit une très grande manifestation dans différents milieux de l'intelligence, de l'énergie de l'intelligence dans l'homme. Mais nous sommes au stade encore probant de cette expérience. Nous sommes au stade où très peu d'individus dans la province de Québec ont la suffisance de leur intelligence. C'est-à-dire, nous sommes au stage dans la province de Québec où, puis je parle de la province de Québec, je parle pas du monde entier, je parle de la province de Québec. Nous sommes au stage dans la province de Québec où très peu d'individus ont l'intelligence de leur intelligence. Et je vous dis aujourd'hui que les hommes sur la Terre, de quelque nation qu'il fût, de quelque origine, qui ne seront pas ou qui n'arriveront pas un jour à être dans l'intelligence de leur intelligence, deviendront prisonniers d'une énergie tellement forte qu'ils seront incapables éventuellement de se retirer de l'influence astrale en eux et ils n'auront jamais la capacité de leur intelligence leur permettant d'intégrer en eux le cosmique et le matériel, et ces êtres-là seront éventuellement au cours des années, s'ils n'en arrivent pas à entrer dans l'intelligence de leur intelligence, ils seront, dans quelques années, devenus des êtres abrutis par l'énergie de l'intelligence. Et quand je dis abrutis, je dis ceci, qu'ils verront s'élever devant eux un mur tellement épais, tellement haut qu'ils ne pourront plus escalader ce mur. Et lorsque ces temps-là seront venus, le pouvoir de l'astral sur la Terre sera à son maximum. Le pouvoir de la confusion sera à son maximum. L'homme s'en va lentement parce que tout va lentement. Qui est cosmique. C'est lent pour l'homme. Mais c'est très rapide lorsque l'homme commence à subir émotivement et intellectuellement la pression de l'énergie de l'intelligence qui n'est pas développée, c'est-à-dire qui n'a pas atteint un niveau de perfection suffisant pour désengager complètement l'ego de cette énergie-là. Moi, je ne peux pas, en tant qu'homme, faire autrement que ce que je fais. Je ne peux pas, en tant qu'homme, faire autrement que de parler. Et puisque je ne suis pas un maître, je ne peux pas, en tant qu'homme, créer pour l'homme des formes qui puissent lui servir à avancer dans sa propre expérience spirituelle ou quelconque. Je suis obligé en tant qu'homme, en tant qu'être intelligent, de verser vers l'homme le plus en plus de ce qui passe dans mes propres centres pour que l'homme puisse, de par sa propre expérience, dans son propre temps, comprendre par lui-même ce qui n'est pas compréhensible en dehors de sa propre expérience. Et si je dis aujourd'hui que les événements mondiaux coïncideront avec des états émotifs et mentaux dans l'humanité qui iront jusque au paroxysme de l'expérience conditionnelle et existentielle de l'homme, je vous assure que les hommes qui n'auront pas l'intelligence de leur intelligence ne pourront pas vivre ces expériences sans être faussés dans la glorification de leur perception intuitive. Quand je dis que l'homme est un être totalement ignorant, je veux dire ceci. Je veux dire que l'homme est ignorant quand il est inconscient, et quand il se conscientise et qu'il commence à recevoir, à percevoir d'un autre plan une forme d'énergie d'intelligence, son ignorance devient alors dangereuse. Quand l'homme est inconscient, son ignorance, elle est malsaine. Mais quand l'homme se conscientise et que des aspects de lui s'ouvrent à des énergies dont il ne connaît même pas les lois, à un feu dont il ne connaît même pas les conditions et dont il s'approprie une certaine gloire ou une certaine valeur pour des raisons purement égoïques ou spirituelles ou quoi que ce soit, à ce moment-là, l'ignorance de l'homme devient dangereuse, non pas seulement pour lui-même, mais pour les autres qui sont affectés et infectés par lui-même. Je n'ai aucune objection à ce que l'homme traduise à l'homme ce qu'il sait. Mais je conviens du danger qui existe et qui existera pendant des années, lorsque l'homme traduira à l'homme ce qu'il pense savoir. Et remarquez bien, je vous ai toujours dit depuis que je vous connais, de ne jamais croire ce que je dis, c'est-à-dire de ne jamais vous attacher à ce que je dis. Que votre expérience, votre propre votre propre développement intelligent, votre propre accès à votre intelligence, votre propre accès à vous-même, vous fera réaliser dans le temps que tout est universel et que ce que je vous dis aujourd'hui vous sera très familier demain. Et c'est la seule condition, d'ailleurs, qui nous unit. Il n'y en a pas d'autre et il n'y en aura jamais d'autre. Mais d'un autre côté, je dis ceci. Je dis qu'il y a deux possibilités pour l'homme dans sa vie vis-à-vis l'instruction qui lui est donnée sur le plan matériel de par ma personne. Une possibilité, c'est que je sois totalement dans l'erreur. Et l'autre possibilité, c'est que je sois totalement dans l'intelligence. L'homme, vis-à-vis cette condition, de par son évolution, de par son expérience dans le temps, découvrira si je suis dans l'erreur ou si je suis dans l'intelligence. Autrement dit, le fardeau de ce que je vous dis dans l'instruction mondiale n'est pas avec moi, il est avec vous. Et le fardeau étant avec vous, vous serez les seuls à le supporter. Et vous serez les seuls à le supporter parce que vous serez les seuls à éventuellement pouvoir le réaliser comme étant ceci ou cela. Et cette limite absolue que je me sers pour extrapoler, pour créer une polarité concernant l'erreur totale, parce que je suis pas un homme qui fonctionne à moitié, soit que je sois totalement dans l'erreur ou que je sois totalement dans l'intelligence, et cette limite que j'impose deviendra pour vous un champ d'expérience qui vous permettra éventuellement de vous réaliser soit à l'extérieur de mon erreur ou soit à l'intérieur de la même intelligence avec laquelle je vis. Ça, ça fait partie de votre expérience. Je peux pas vous le donner, ça. Quand je dis que l'homme doit un jour, parce que quand je vous regarde dans une masse, dans un grand nombre, je vois toutes sortes de visages, je vois toutes sortes d'intelligences, je vois toutes sortes d'émotions, je vois toutes sortes de personnalités. Et si vous étiez à ma place et que vous regardiez vers la salle, et si vous n'étiez pas en fusion, vous seriez découragé de voir ce que je vois, parce que vous ne verriez que ce que l'ego voit, perçoit. Vous ne verriez que ce que l'ego commence à percevoir. Vous ne verriez que les dangers qui font face à l'ego. Vous ne verriez que une humanité qui commence lentement à comprendre et à saisir et qui n'a pas encore terminé. En tant qu'individu, une évolution qui est une transition vers des conditions qui sont totalement cachées à l'homme. La densité de l'ego est telle que pour un homme qui voit, qui comprend les lois de l'ego, S'il n'y avait pas fusion, cet homme ne pourrait pas travailler à moins d'être supporté par des femmes spirituelles qui feraient de lui automatiquement un maître et qui lui donneraient le courage de commencer à continuer et à perpétrer l'illusion de cette forme. C'est la seule raison pour laquelle je continue ce travail. Parce que je réalise, dans des détails extrêmement subtils et subliminaux, des aspects, des illusions qui servent à l'expérience de l'homme et qui, un jour, doivent être totalement compris de l'homme. Et ceci se fera, s'il doit se faire, dans le développement de l'intelligence de l'intelligence. Vous savez, quand on commence un programme aussi vaste que l'instruction de l'homme, quand on commence un programme tellement vaste que tout ce qui tombe sous le regard de l'esprit doit être retourné, il devient évident que l'homme doit absorber petit à petit, lentement, graduellement, au fur et à mesure que s'ajuste son mental et son émotion, des données qui lui servent de plus en plus à raffiner son mental et son émotion, parce que l'homme n'a pas en lui-même la présence de l'intelligence que lui impose une fusion directe. Alors, l'homme a besoin d'être donné de plus en plus d'informations, de plus en plus de coordonnées, de plus en plus de coordonnées intelligentes qui défient le genre d'intelligence qu'il s'imagine développer, qu'il s'imagine avoir, qu'il s'imagine avoir développé et qu'il s'imagine déjà avoir compris. Pour le rassurer, dans le futur d'une intelligence qu'aujourd'hui il ne connaît pas. Quand je dis que l'intelligence cosmique, c'est de l'énergie et non de l'intelligence, c'est d'abord de l'énergie qui, appliquée au niveau du mental, crée ce qu'on appelle de l'intelligence. Ça, c'est la première phénoménalisation de l'énergie cosmique dans l'homme. Sur un plan supérieur de l'homme, cette même énergie sera autre chose. Et sur un autre plan de l'homme, cette même énergie sera autre chose. Mais dans le cas de l'homme de la sixième, de la cinquième, de la sixième race, cette énergie dans le mental supérieur de l'homme crée de l'intelligence. Cette énergie dans le supramental de l'homme crée l'intelligence de l'énergie. Et il y a une grande différence entre l'intelligence et l'intelligence de l'énergie. Et lorsque je dis que l'homme doit développer l'intelligence de l'intelligence, je dis que l'homme, dans son ego, dans sa personnalité, doit en arriver à comprendre les lois de l'énergie en lui qui s'appliquent et qui se développent sur le plan supramental et qui conviennent au plan caché de la vie de l'individu comme de la vie de la masse mondiale et qui convient seulement dans sa limite extraordinaire sur le plan de la compréhension totale à les quelques hommes sur la Terre qui ont droit à la parfaite connaissance parce qu'ils sont des êtres parfaits. Et lorsque je dis des êtres parfaits, je dis des êtres qui ne sont plus de l'homme, mais qui sont d'un air, d'un temps, qui dépasse de plusieurs siècles, de plusieurs évolutions, l'expérience psychologique, existentielle, conditionnelle de l'humanité d'aujourd'hui. Et pour que l'homme comprenne l'importance d'être dans l'intelligence de son intelligence, il doit s'habituer à réaliser que tout ce qui lui vient de l'intelligence, à quelque niveau que ce soit, ne fait que partie de son expérience, cherchant à transmuter son émotion et à transmuter son intellect dans le cadre de l'expérience qui découle de cette communication quelconque qu'il a avec l'intelligence. Le but de l'énergie dans l'univers, ce n'est pas de donner de la connaissance à l'homme. Le but de l'énergie dans l'univers, c'est d'élever les principes de l'homme en vibration pour que l'homme, un jour, soit dans l'intelligence de l'action de l'énergie, pour qu'il soit maître de la vie et qu'il puisse manipuler les forces qui sont dans des plans supérieurs et qui conviendront à ce moment-là à sa capacité vibratoire en tant qu'être de manipuler ses forces. Mais nous sombrons aujourd'hui, les êtres de la Terre plus évolués, les êtres qui ne sont plus cartésiens, les êtres qui vont vers une conscientisation de l'homme, nous sombrons à cause d'une mémoire et à cause d'une condition et à cause d'une habitude que nous avons. Nous sombrons dans la grande erreur de la confusion de l'intelligence. Et nous sombrons dans l'erreur de la confusion de l'intelligence parce que nous n'avons pas encore suffisamment d'intelligence pour détruire en nous l'intelligence. Et lorsque je dis que l'homme doit apprendre à détruire en lui l'intelligence, je dois dire que l'homme doit être suffisamment intelligent. Suffisamment intelligent pour être capable de voir instantanément dans le jeu de l'intelligence qui sert sur le plan matériel à changer les vibrations de son corps émotionnel et de son corps mental inférieur. Et aujourd'hui, et surtout en 82 qui vient, ce sera une expérience que l'homme devra connaître et que l'homme devra reconnaître de plus en plus, et une expérience qui fera partie de notre expérience de tous les jours. L'extraordinaire polarité qui existe entre l'intelligence et l'intelligence, autrement dit, entre ce que nous recevons, et ce qui est. Si vous le voyez, si vous étiez connu de le connaître des années d'avance, ça vous bouleverserait à un point tel que ça créerait en vous une dépression et que vous ne seriez plus capable d'avancer dans l'évolution. Alors, le premier principe de l'énergie cosmique, de l'énergie de la conscience supramentale qui descend sur la Terre, le premier principe pour l'homme qui se conscientise, c'est de réaliser que ce qui se passe entre l'intelligence qui s'active en lui pour détruire les formes dans l'intelligence qui est réceptive en lui, l'intellect, que cette relation est une relation d'énergie et non une relation de forme. C'est une relation d'énergie, c'est-à-dire que l'intelligence, la formation sur le plan supramental de cette énergie cosmique qui se sert de la mémoire de l'homme pour imposer sur l'intellect de l'homme des formes plus vibrantes afin de transformer l'intellect de l'homme et l'émotion de l'homme, ce n'est pas de l'intelligence. C'est le premier principe. Et le deuxième principe, c'est celui-ci. Et que tout le monde écoute ce que je dis, parce que ce que je dis est la clé de voûte de la compréhension de l'intelligence cosmique sur la Terre. C'est que l'intelligence n'est jamais enregistrée dans l'esprit de l'homme. Un homme qui est dans l'intelligence ne peut pas penser. C'est impossible. Un homme qui est dans l'intelligence ne peut pas travestir cette intelligence. Un homme qui est dans l'intelligence est simplement récepteur d'une énergie qui, appliqué sur un plan ou sur un autre, produit ce que l'on appelle, nous les hommes, de l'intelligence. Mais l'homme lui-même, l'ego, la personnalité qui est dans l'intelligence, n'est jamais conscient de l'intelligence. Parce que l'intelligence, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'impression de l'intelligence sur le cerveau de l'homme. Autrement dit, l'intelligence est une impression. C'est une pulsation de l'énergie cosmique sur le cerveau de l'homme, permettant à l'homme de saisir des aspects du réel, mais ne pouvant jamais être capable d'être dans le réel parce qu'il en a saisi ses aspects. Et si je dis aujourd'hui, parce que j'avance toujours, ce que je dis aujourd'hui, je le déferai demain. Ce que je dirai demain, je le déferai après-demain. De sorte qu'un jour viendra où j'aurai défait tout ce que j'aurai construit pour le bénéfice de l'évolution de l'homme et pour la construction de la grande pyramide d'énergie qui doit exister sur la Terre. Et ce n'est pas parce que ce que je dis aujourd'hui, que je le déferai demain, que ce que je dis aujourd'hui n'est pas cela. Mais comme ce que je dis aujourd'hui fait partie de l'intelligence pour vous, demain je devrai le défaire pour que ce que j'ai dit aujourd'hui ne soit plus qu'énergie pour vous. Et lorsque j'aurai fait ça de toutes les façons possibles et imaginables, faisant partie de l'infinité de l'intelligence, il ne vous restera plus en tant qu'être humain qu'une chose à faire, c'est de vivre votre vie. En dehors de toutes les ambitions spirituelles, médiumniques, occultes, ésotériques, philosophiques, psychologique. La vie deviendra, à ce moment-là, réelle et facile. En attendant, on continue à parler. Quand je dis que l'intelligence, ça n'existe pas, je dis que la raison pour laquelle l'homme s'imagine que l'intelligence existe, c'est parce que l'homme a un cerveau qui pense. Le chien n'est pas conscient de l'intelligence. La plante n'est pas consciente de l'intelligence. La matière n'est pas consciente de l'intelligence. Et pourtant, ils sont structurés, ils sont mis en action évolutive par l'intelligence. Autrement dit, on n'a pas besoin d'intelligence pour être. On a besoin d'énergie. Et tant qu'on a besoin d'intelligence pour être, on n'est pas. On est simplement une approximation de plus en plus avancée de l'homme inconscient, mais développé. Prêt à devenir autre chose dans des conditions totalement voilées à son regard d'homme, à son regard d'être racial. Ce qui est la conscience que l'homme connaîtra dans l'éthérique. Et ce n'est pas facile pour l'homme qui est baigné dans le phénomène de l'intelligence, qui est encore en fonction normative de ses pensées, de réaliser que de l'intelligence, ça n'existe pas. Parce que l'homme est obligé de saisir par son cerveau ce qui est déjà imprimé dans son cerveau, dans sa mémoire. Et c'est avec ce matériel qu'il détermine la nature de l'énergie et qu'il lui donne un nom qu'on appelle l'intelligence. Et si je dis que l'homme doit un jour être dans l'intelligence de l'intelligence, qu'il doit avoir une intelligence qui puisse détruire l'intelligence, je dis que l'homme un jour doit être suffisamment vide dans sa tête pour être plein de cette énergie afin qu'il puisse canaliser cette énergie sur un plan ou sur un autre pour manifester dans le monde ce qu'on appelle de l'intelligence. Mais il y a une vaste différence entre l'homme qui canalise de l'énergie pour produire dans le monde de l'intelligence et l'homme qui reçoit de l'énergie et se pense intelligent. Ou pense qu'il est intelligent, ou pense qu'il est